soir de CKRL sont une présentation du Bal du Lézard, partenaire légendaire du 89.1. Consultez la programmation des spectacles sur lebaldulezard.com. Bonsoir et bienvenue à Terra Incognita, votre rendez-vous hebdomadaire. Installez-vous confortablement, 2 heures de bon rock progressif à l'horizon. Et ce soir, on amorce avec un second extrait de l'album de Bernard & Percy, deux des trois membres, du noyau de Samurai of Prog, car il y a une multitude de musiciens qui contribuent. Et c'est leur troisième disque en duo, Robinson Crusoe, et ce soir on va voir la pièce Overture. C'est une composition du claviériste argentin Octavio Stampaglia qui fait partie du groupe, ou je pense qu'il peut-être qu'il en fait encore partie du groupe argentin Jinetes Negros, un groupe qui a publié 5 albums entre 2000 et 2017. Pour cette pièce, ben, on remarque la présence de John Hackett. Et puis ce sera suivi de Professor Tip Top, une formation norvégienne qu'on apprécie beaucoup ici. 7e album, et c'est le second avec la chanteuse et claviériste allemande Sonia Otto. Et puis, je pense, après ça, Marc, on va faire un petit tour du côté de la Suède. En effet, on aura un nouvel extrait du nouvel album de Asse Froberg, Musical Companion. On sait qu'Asse Froberg était avec nous la semaine dernière pour une rétrospective de leur carrière musicale. Alors, tiré de l'album We Are the Truth qui vient de paraître, on aura la pièce A Spiritual Change. On aura également un second extrait du nouvel album de Harlequin. Harlequin, c'est une formation ukrainienne qui tourne autour du multi-instrumentiste Igor Sidorenko. Alors, le nouvel album de Secret Garden, on aura la pièce Adult Responsibilities. Mais on y va tout de suite en musique avec Bernard & Percy. Thank you. Hello, this is Hasse Fröberg and you're listening to Terra Incognita directly from Quebec City. clearly, like a beacon in the dark. Search my soul for truth and understanding. I'll begin to light a spark. Oh, light, a cosmic sight, sweet relief for a quiet mind. Salut tout le monde, ici Pierre-Hervé Goulet. Vous écoutez ma nouvelle chanson « Les oiseaux du matin » sur CKRL. Ici Martin Carly, vulgarisateur scientifique. La vaccination des 5 à 11 ans contre la COVID-19 est commencée. En tant que parent, vous vous demandez peut-être si votre enfant recevra le même vaccin que celui pour adultes. Le vaccin utilisé pour les enfants de moins de 12 ans contient une plus petite quantité d'ARN messager, car le système immunitaire des enfants répond mieux que celui des adultes. Et bien que la dose soit plus petite, le vaccin est tout aussi efficace que chez les adultes. Pour plus d'informations, rendez-vous sur québec.ca/vaccinjeune. Un message du gouvernement du Québec. N'attendez plus. Faites-le. Aujourd'hui, renouvelez votre carte de membre sur ckrl.qc.ca. Votre carte ne coûte que 25 $ et elle est valide pour un an à partir de la date d'adhésion. Le Bal du Lézard, un incontournable depuis plus de 30 ans. Une ambiance sympathique, une clientèle éclectique et une programmation culturelle variée. Venez découvrir notre sélection de microbrasseries locales et québécoises à prix d'amis. En plus, le baby-foot est gratuit tous les jours. Surveillez notre page Facebook pour les événements à venir. Amateurs de groove, de funk, de jazz, de soul et surtout d'afrobeat. Tous les vendredis soirs, c'est un rendez-vous. Messieurs Dynamite. Messieurs Dynamite, c'est quatre animateurs qui se partagent chaque semaine la barre de cette émission riche et colorée. Vendredi soir, 18h30, au 89.1. CKRL. De CKRL sont une présentation du Bal du Lézard, partenaire légendaire du 89.1. Consultez la programmation des spectacles sur lebaldulezard.com. De retour à Terra Incognita, la semaine dernière, on vous a présenté une pièce là, du groupe argentin Nexus, et en vous disant qu'on aurait peut-être des nouvelles bientôt, eh bien, c'est chose faite. On vient de recevoir un premier extrait d'un nouvel album, enfin. J'ai pas de détails quant à la date de parution, mais chose certaine, on a bien hâte d'entendre ce nouvel album, et surtout quand vous allez entendre le premier extrait, je pense que vous allez comprendre. Et on aura aussi par la suite une nouvelle formation italienne qui a pour nom Il Testamento degli Arcadi. On vous avait présenté un extrait là, il y a peut-être un mois et demi, deux mois, d'un album à venir. L'album aura pour titre Il Testamento degli Arcadi, un groupe où on retrouve notamment Alessandro Seravelli, je pense que ça va rappeler le mot Garden Wall, formation italienne qui a été pas mal populaire dans les années 90. Il y a des musiciens aussi de Black Jester, de Spiros Ferra et de Odessa aussi. Donc un album basé sur la série de science-fiction 1999. Ça aussi, je pense que ça rappelle des souvenirs à bien des gens. Et puis Marc, je pense qu'après ça, on va faire un tour du côté de l'Angleterre pour une nouveauté pas tout à fait nouvelle. Oui, en effet, il s'agit de la formation Empire qui a été fondée en 1974 par Peter Banks, qui était le guitariste de la formation Yes dans ses débuts. Alors donc, ils ont réalisé 3 albums et se sont séparés en 80. Donc, ils viennent de rééditer un album qui a pour titre The Best of Empire. On aura la pièce Foundation, ça a été enregistré sur l'album Mark III paru en 1978. Et on aura également de la Norvège le trio Kornmo, qui a été fondé en 2015 autour du bassiste Nils Larsen de Morild et du claviériste Odd Roar Backer de Adventure. Alors, c'est leur 3e album intitulé Fimbulvinter. On aura la pièce Jutu Ogette. Mais on débute d'abord avec la nouveauté et primeur de Nexus avec la pièce Insania. We'll be right back. rendete conto che non per caso siamo arrivati su quel pianeta. Il nostro destino è chiaro, preordinato dal momento in cui gli Arcadi hanno messo piede sulla Terra. Hi, this is Robbie Krieger from The Doors. And you are listening to CKRL FM 89.1 in Quebec. Saviez-vous que toutes les émissions de CKRL sont disponibles en écoute à l'adresse ckrl.qc.ca? Venez jeter un coup d'oreille. J'aime le matin, le lever du soleil, les cheveux emmêlés, les rues désertes, le café, l'odeur du pain grillé, les bonjours, les sourires, l'actualité. La radio. Et dans le fond, la Cour suprême a déjà statué que le président pouvait être poursuivi. Les matins éphémères, en semaine de 7h à 9h. CKRL, c'est la culture artistique, musicale, mais aussi entrepreneuriale, politique, environnementale et sociale. Par sa mission et son engagement, notre station ouvre ses ondes à des centaines d'organismes ou entreprises communautaires et culturelles. Ils ont choisi d'appuyer CKRL. Engram, table de quartier L'Engrenage Saint-Roch, la Maison des femmes de Québec, Épilepsie, section de Québec. Maintenant, c'est à notre tour de les encourager. Salut, c'est Horluge Simard. Écoutez l'album À chacun son Waterloo en diffusion à CKRL. Samedis soirs de CKRL sont une présentation du Bal du Lézard, partenaire légendaire du 89.1. Consultez la programmation des spectacles sur lebaldulezard.com. De retour à l'émission Terra Incognita avec Michel Bilodeau et Marc Chaunet. Alors, dans le troisième bloc musical, on aura deux formations italiennes. Le bloc se terminera avec la formation Autostrada, tiré de leur second album, Babylone, c'est leur plus récent, paru en 2015. On aura la pièce Ombre Cinesi. On aura également la formation Ske, qui est le projet de Paolo Botta, l'excellent album Insolubilia, qui est paru cet été. Alors on aura la pièce La Nona Onda, ça c'est un de mes albums coup de cœur de cette année. Mais tout d'abord, et un autre album coup de cœur pour moi, l'album de Samurai of Prog de Whitesnake, dont on vous a déjà fait jouer plusieurs extraits. Sur cet album-là, ce qui est spécial, c'est qu'on a beaucoup de musiciens italiens. Beaucoup de musiciens dont on a parlé cette année parce qu'ils ont fait paraître un album. On parle ici de Stefano Galifi, également Alessandro Covaglia, qui chante sur ça. C'est une composition de Luca Scherani, c'est la pièce de Traveling Musicians, et il y a sur ça un échange entre le chant en anglais et en italien. Alors Michel, la formation de Samurai of Prog n'a pas fini de parler d'elle. Ouais, il faut dire que le groupe a proposé rien de moins que 6 albums en 2 ans. Bon, d'accord, certains sous le nom de Bernard & Porcetti, mais bon, ça demeure quand même que c'est tous des albums reliés à The Samurai of Prog. Et 3 en 2020, c'était justement 2 Bernard & Porcetti et le Beyond the Wardrobe. Et puis de Samurai of Prog. Puis en 2021, cette année, bon, on a eu The Lady and the Lion and Other Grim Tales 1, The White Snake and Other Grim Tales 2. Et puis là, ben, on s'apprête à recevoir le nouveau Bernard and Porcetti, Robinson Crusoe. Bref, c'est. Mais il faut dire que leur idée de faire appel à de nombreux compositeurs, ça les sert très bien. Et puis tu parlais tantôt de la composition de Luca Scherani. Luca me racontait en entrevue que il est toujours très agréablement surpris de voir comment les gars de Samurai of Prague peuvent transformer ses compositions. Apparemment, beaucoup de travail sur les arrangements, en tout cas, c'est ce que Lucas Kerani me confiait, et qu'il adore travailler avec le trio, le noyau du groupe, c'est-à-dire Marco Bernard, Kimo Posti et Steve Unruh. On y va donc avec cet extrait de l'album The White Snake and Other Grim Tales 2. I'm strong. Can't you see that you'll still need me? Why would you say you get rid of me? The only way for me is run away and be free. For a flowing mane. Ho sempre osservato le montagne del nord. I wish I could run faster than the wind. Non ho mai conosciuto le mie origini e sono. Now I'm going to be a musician. Anche se il vecchio è stanco. E per gli ospiti a tavola un dono grato sarò. Soltanto il mio cuore pace ritroverà. Da quassù sorvegliare è più facile. Sanno i vostri occhi e la vostra guardia. Tell us what you see beyond the window. What do you see? I see an evil gang of robbers, but also a table full of good things. Troviamo un buon piano, proviamoci insieme. Questo posto sia nostro al più presto. They are all scampering away. Let's eat together. Let the feasting begin. Let's choose a more comfortable place to sleep. Fellow robbers, what do you think? Try to conquer back again. Now that all the lights inside are gone, sono il più coraggioso tra noi. Now that all the scoprire che succede, siamo fuggiti troppo presto senza nemmeno difenderci. Una luce vedo brillare, due sole scintille, forse carboni non ancora spenti, la fiamma li rivelerà. What's this light so close to my eyes? They're attacking us. Let's spring, let's stretch, let's fight. Porti la gamba più forte che puoi. Succede che c'è laggiù, dobbiamo difenderci, combattere, urla più forte che tell me my fellow what happened to you. seduta, sono stato attaccato da una strega che sputa e graffia con dita sottili. Poi l'uomo armato era dietro la porta, lui mi ha colpito, io sono fuggito. Quindi in giardino c'era una creatura armata di bastoni, non aveva piedi. Lì voleva la mia anima. Thank you.

Venez découvrir notre sélection de microbrasseries locales et québécoises à prix d'amis. En plus, le baby-foot est gratuit tous les jours. Surveillez notre page Facebook pour les événements à venir. Le rap québécois est partout. Surtout dans ta radio. Regarde-moi, j'ai l'air de quoi? Si je me regarde dans le miroir. Ici Rémi Giguère. Je vous donne rendez-vous chaque semaine dans La Dose Rap, une émission 100% rap keb. La Dose Rap. Fais-moi donc signe si tu passes dans le hood. En fin de semaine, la semaine prochaine, c'est good. La Dose Rap, le mardi 21h30 à CKRL. Saviez-vous que toutes les émissions de CKRL sont disponibles en écoute à l'adresse ckrl.qc.ca? Venez jeter un coup d'oreille. Gimme, gimme, gimme the dark side. Gimme, gimme, gimme the hard side. Gimme, gimme, gimme the rough shit. The bad, bad, bad shit. I won't even try to hide. Le taxi nous dépend. Allô, allô, c'est Georgette. Vous écoutez Ma Chanson en diffusion sur CKRL. Petit déjeuner avant de dormir. Et tellement de choses à se dire. Les samedis soirs de CKRL sont une présentation du Bal du Lézard, partenaire légendaire du 89.1. Consultez la programmation des spectacles sur lebaldulezard.com. Pour le dernier bloc de l'émission, on poursuit en italien avec l'excellent Fabio Zuffanti, le grand maître du rock progressif italien des années 2000, avec un extrait de son album La Quarta Vittima, qui était paru en 2014. On aura la pièce Non Posso Parlare Più Forte. Et on va débuter avec une formation grecque, la formation Verbal Delirium, qui est formée par le claviériste John Jargon Kosmidis. Alors, ça sera tiré de leur plus récent album, The Imprisoned Words of Fear, paru en 2016. Michel, si je ne me trompe, c'est une parution que tu avais bien aimée, toi aussi? Oui, je dois dire que j'ai beaucoup écouté ce troisième album de cette formation grecque. Peut-être ex aequo avec le Chicada, qui est aussi une formation grecque, mais dans un autre style complètement. D'ailleurs, en passant, le chanteur a aussi enregistré un disque sous son nom de Jargon. L'album a pour titre Fading Thought. Mais pour le moment, on écoute Verbal Delirium de leur troisième essai. We'll be right back. confuse again. The fear of loneliness in your mid-trouble feeling once again. Timidity and indignation, I confide in my salvation. From the guilt of my conscience, I'm trying to break down all these walls. But my hands are bleeding now, and with this blood I'm writing down now. All these words of anger, please forgive me. Fading thought, frustration, for I forgot. I don't remember him. You're sweet embrace, high prison cell. I'm drowning in my tears again. The fear of loneliness and dope terrible feeling once again. Timidity and indignation, I confide in my salvation. From the guilt of my conscience, I'm trying to break down all these walls. But my hands are bleeding now, and with this blood I'm writing down now. All these words of anger, this filthy, fading thought. The station full, I forgot, I don't remember them. I the absence rendering my conviction, healing my self-reputation. I scramble to recollect his leftovers of my decay. Reflection dead, destination to dereliction. Isolation, driving my disbelief again. I know I